FrenchPod.com. Oh non, tu as acheté un gâteau au chocolat. Elle a horreur du chocolat. C'est trop tard maintenant. Bon, tant pis. J'allume les bougies. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Charlotte. Joyeux anniversaire. Fais un vœu avant de souffler tes bougies. Ah ! Oh ! Mon vœu s'est réalisé !